Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervan avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, le Bauhaus a 100 ans. Une série de Camille Jusa réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des étudiants et des étudiantes en nœud papillon ou chapeau cloche qui tirent la langue, se déguisent ou font de la gym. Une femme qui manie le métier à tisser avec assurance et cette photo prise sur un toit d'une clique décontractée, poseuse et fière à l'élégance d'un groupe de rock. Et puis il y a une école qui ferme et des étudiants qui s'éparpillent. Alors pour commencer, les personnages. Une artiste qui joue la guide, un architecte qui décortique, un vieil artiste dans ses meubles, une conservatrice sur le pont, un directeur du patrimoine, une architecte municipale, un cinéaste fils d'architecte, 5 anciens élèves et 3 architectes. Ensuite le décor. Tel Aviv, un ciel bleu, l'exil, la Palestine, des palmiers, des klaxons, un trésor architectural ou pas, un toit terrasse, la ville blanche, le style international, l'inévitable Corbusier, des immeubles comme des bateaux, une architecture sociale, un centre culturel et une micro-cuisine. Aujourd'hui, 3e épisode, on va se promener en ville. Le Bauhaus a 100 ans. Les grilles là, ça se voit qu'elles sont authentiques de fin des années 20. C'est comme à Dessau. Mais ça aussi, je trouve que ça fait comme un bateau avec les fenêtres rondes comme ça qu'il y a souvent dans des pièges d'escalier. Ou comme on appelle ça les thermomètres. À Tel Aviv, sur les traces du Bauhaus, Camille Jusa, Jean-Philippe Navarre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore quand vous marchez dans la ville ? Tout le temps. Quand j'atterris de Paris et je rentre chez moi, le Midalis, c'est le fouille partout, tout part en morceaux. Il y a des super Bauhaus comme celui-ci, par exemple, à gauche. Il est magnifique. Ce que je trouve incroyable dans cette ville, c'est que tout est pété. Et assez sale encore, elle est beaucoup plus propre qu'avant. Mais doucement, mes yeux s'habituent. C'est comme un peu quand il y a une bombe et il y a plein de poussière et on ne voit rien. Et dès que mes yeux s'habituent, je dis c'est quand même tellement beau. C'est toutes ces structures, elles vont tellement bien avec le ciel bleu. Fondée en 1919 en Allemagne, l'école du Bauhaus a révolutionné l'architecture et le design. Et que ce soit pour une lampe ou pour une maison, inventer une esthétique moderne et fonctionnelle, doublée d'un projet social. En 1933, l'école est brutalement fermée par les nazis. Les grands professeurs partent aux États-Unis, où plus tard, ils redessinent New York, Chicago et imposent leur style à l'Amérique. Une poignée d'élèves pourtant décident de fuir en Palestine. À Tel Aviv, sous la peinture écaillée, derrière les ventilations et les fils électriques qui camouflent les façades, la ville déroule sous nos yeux des centaines d'immeubles aux toits plats, aux lignes graphiques. Un vrai petit musée d'architecture moderne. Souvent, j'ai la pression, dans des Bauhaus, surtout les Bauhaus qui font coin, que c'est comme un bateau qui va avoir la cheminée là qui fait bou bou et ça va bouger quoi. Comme des monstres qui sont à la fois gigantesques et qui sont très gracieux, on peut dire, en français. Je sais pas. Jennifer Abessira, artiste. J'aime beaucoup ça, Tel Aviv aussi, où d'une minute à l'autre, c'est un autre monde. On se croirait presque un peu en campagne. Que tous les palmiers et la végétation exotique, j'ai l'impression que c'est des... qui sont vivants. Non, c'est pas un marque. Tel Aviv, c'est une ville qui refuse la ville. La ville a été conçue par l'urbaniste Patrick Geddes, un Britannique qui concevait des cités-jardins. C'était une critique des grandes métropoles, de la vie métropolitaine polluée. L'idée, c'était de ne pas faire ça et faire une ville verte. Zvi Efrat, architecte et professeur d'architecture. La bonne idée, ça a été de mettre la ville sur pilotis. C'était plutôt une idée que Le Corbusier avait eue pour des villas dans des banlieues chics, mais ça a permis de libérer les rez-de-chaussée, de créer des jardins sous les immeubles et de laisser la brise de mer ventiler la ville. Si vous élevez toute une ville sur pilotis, il y a une ventilation idéale des rues et des immeubles. grâce au vent marin. La ventilation, c'était important parce qu'on parle des migrants qui venaient d'Europe et pour eux, il faisait vraiment, vraiment chaud ici. Et là, il y a un très beau Bauhaus aussi à droite, juste au coin de Hissin et Dizengoff. Parce qu'en fait, Dizengoff, elle commence par là-bas, en hauteur. Et je crois que c'est une des, je crois que c'est la rue la plus longue de Tel Aviv, Dizengoff. Elle va jusqu'au... Ils adorent klaxonner ici. Il y a plein de klaxons. Alors là, il y a un Bauhaus que j'aime beaucoup aussi. Il n'a pas trop été refait. Ce qui est assez marrant, c'est que vous, vous dites un Bauhaus pour parler des immeubles. Ah bon? Et comment il faut dire? Je sais pas. Ah, parce qu'on dit... Bah oui, on dit... Mais ça, c'est justement... Bah, c'est comme un Adidas, quoi. T'as mis ton Adidas, c'est carrément... En bas, oui, c'est vrai. J'y pense même pas, c'est naturel. Je me souviens, en étant plus jeune, pour avoir accès à ces appartements, bah, on inventait qu'on voulait les acheter. Et on allait les voir. Et j'ai vu des appartements avec des vieux qui avaient 90 ans, mais genre rien n'avait changé, je pense, depuis plus ou moins 1948, depuis la création du pays. C'était magnifique. Bonjour. Bonjour. I was born here. Je suis né ici. 88. Il y a 88 ans. And it was a little village. C'était un petit village. Sand around. Beaucoup de sable autour. Quelques immeubles. When we came to live here. Quand nous sommes venus habiter ici. My father was a gardener. Mon père était jardinier. Then he became the landscape architect of Tel Aviv. Plus tard, il est devenu le paysagiste de Tel Aviv. So it was three little buildings. Ici, il y avait trois petits bâtiments. Very simple. Très simple. We cannot say on ne peut pas dire de style international, really car c'était very, very simple, très très simple. Et ils avaient très peu d'argent pour les faire. Was a little garden and some trees. Et autour, un petit jardin avec quelques arbres. New fruits. Mon père s'intéressait so beaucoup aux fruits. Il y avait des petits manguiers, ce qui était exceptionnel, et beaucoup d'autres choses, des havas, des pitangos. Il faisait pousser beaucoup de choses ici. I was a little child, j'étais un petit enfant. Barefoot, around, je courais pieds nus. And play with it. It was a playground. Et c'était un terrain de jeu tout autour. And even the même la place Yitzhak Rabin, c'était... Was a big, c'était sec dans le été. Et après, c'était vraiment un petit lac avec beaucoup d'animaux. Et ça, c'était très intéressant pour nous, des enfants. Our childhood... Notre enfance a été fantastique. And, we could see here the on pouvait voir le soleil se lever d'ici of, in the morning, parce qu'il n'y avait rien autour. From here, nothing was et here. Au loin, on voyait les montagnes de Jérusalem. We've seen the mountains of Jerusalem. Voilà. And this was my childhood here. Voilà, c'était mon enfance ici. Then, many other buildings plus tard, des immeubles ont été construits tout autour. Mais je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. Puis un jour, j'ai eu une intuition. Dani Caravan, vous êtes artiste, vous êtes sculpteur. Vous avez travaillé ici en Israël. On vous connaît aussi en France pour vos travaux, notamment à Cergy-Pontoise. Vous faites partie des gens qui se sont battus pour que Tel Aviv soit reconnue comme la ville Bauhaus. Aujourd'hui, on ne l'appelle pas seulement la ville Bauhaus, on parle de l'architecture de style international des années 20. Dans les années 80, j'ai vu une exposition de photos d'architecture. J'ai vu tout ce style, alors je suis allé voir le maire et je lui ai dit, écoute, je crois qu'on a un trésor. J'ai commencé à me battre, à essayer de comprendre et trouver quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Et Nitsa Smouk est arrivée. Je l'avais rencontrée à Florence, où elle étudiait la conservation de l'architecture. Alors, je lui ai proposé. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait. C'était ma ville natale, j'étais née ici. Je suis partie à 21 ans étudier l'architecture en Italie et je suis revenue 23 ans plus tard. Et c'était comme un monde que je redécouvrais entièrement. Parce que quand vous passez des années dans un environnement délaissé, vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur. Mais quand vous revenez et que vous le redécouvrez avec un œil professionnel, vous vous rendez compte que sous la poussière, il y a un trésor. Ça a été une des choses les plus incroyables de ma vie, de voir cet environnement si riche, cette collection de bâtiments. Les années suivantes, je les ai passées à étudier les différents architectes, les différences entre les influences. Et petit à petit, l'image est apparue, clairement. Je suis Jérémy Hoffman, directeur du département de patrimoine de la ville de Tel Aviv, Jaffa. On est monté sur ce toit terrasse. Qu'est-ce qu'on voit ? On est au plein centre de ce qu'on appelle la ville blanche de Tel Aviv, au centre-ville. Et la ville blanche est un quartier moderne, construit dans les années 30 jusqu'à 48, entièrement, au style qu'on appelle aujourd'hui le style Bauhaus, ou le style international de cette architecture moderne. On voit des bâtiments, des arbres. On entend les oiseaux qui font tous partie du plan d'origine, le plan Guedes, le plan de 1925 qui était conçu par l'urbaniste, qui était appelé par la communauté de la ville de Tel Aviv pour prévoir le développement de la nouvelle ville de Tel Aviv, qui était à l'origine une petite ville, on l'appelle un petit peu la petite ville polonaise juif, le petit shtetl. L'histoire de Tel Aviv est un petit peu une histoire d'immigration, une histoire d'une communauté qui a décidé, à la fin du 19e siècle, de créer son propre territoire, sa propre vision, le nouveau juif, on peut dire, ou l'israélien, et plus tard, après, l'État d'Israël. Mais c'est vraiment les premières phases de cette indépendance. Fin du 19e siècle, la communauté juive à Jaffa fait à peu près 30% de Jaffa. L'idée de création d'une ville nouvelle en termes de vision était en 1909, où la communauté a décidé de commencer à chercher un grand terrain pour créer une vraie indépendance. Alors, ils ont parlé de New York comme image, mais New York n'était pas l'idée de Grand Tour, c'était l'idée d'une ville qui peut recevoir des émigrants. Alors, c'est à la fin des années 10 que la communauté a compris qu'il y a grand besoin d'un plan en masse pour la création d'une vision à long terme. Sharon Rothbard, comment je vous présente ? C'est assez compliqué parce que je fais beaucoup de choses à la fois. Donc, je suis architecte et j'enseigne l'architecture. Mais je suis aussi éditeur, d'accord, écrivain et activiste. C'est mon fils. Où est-ce qu'on est exactement ? Shapira, c'est un des quartiers historiques juifs ou hébraïques, comme ça s'appelait à l'époque, de la ville de Jaffa d'avant 1948. Quand on a séparé, Jaffa était la ville dans les années 20, au début des années 20. Il y avait quand même quelques quartiers, ou bout de quartiers, qui se développaient sur la frontière entre les deux villes. Et donc, moi, pendant un assez long moment, jusqu'au 48, c'était aussi une zone d'entente et de rencontre entre juifs et arabes, et c'était aussi parfois une zone de conflit. En 1917, c'était un moment clé où les Anglais conquièrent le pays, où l'Empire ottoman s'effondre, et donc, à partir de l'effondrement de l'Empire, il commence à se développer tout a des identités nationales. On commence à avoir beaucoup des immigrés en Palestine et leur port d'entrée principal, c'est le port de Jaffa. Donc les gens, ils arrivent. Au départ, ils commencent à chercher des logements à Jaffa. Mais le fait est que déjà dans les années, au début des années 20, les choses arrivent à une explosion au 1er mai 1921. Des jeunes activistes des mouvements de gauche essayent de parader à Jaffa pour fêter le 1er mai. Et leur démonstration dégénère en bavure policière, qui dégénère en pogrom, qui est perpétré sur des immigrés juifs résidant à Jaffa. Et en fait, à partir de ce moment-là, on commence à avoir un schisme très violent entre ces deux entités, Tel Aviv et Jaffa. Et en fait, un immigré juif qui débarque à Jaffa, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de foutre le camp au plus vite possible. À partir de ce moment-là, on commence à voir ce vecteur de séparation qui est aussi un vecteur économique. Plus loin tu seras, loin de Jaffa, plus riche tu seras. Et bien sûr, les pauvres populations s'entassent à côté de la frontière et bien sûr... au cours des années, quand les choses vont tourner mal de temps en temps, c'est eux qui vont servir comme victimes des accrochages qui ont lieu sur la frontière. Et on commence à avoir cette séparation entre une ville blanche et une ville noire. Cet immeuble est important parce que c'est le premier immeuble sur pilotis à Tel Aviv. Il a été dessiné par Zeev Herter à la fin des années 20, début des années 30. Et après, on va voir quantité d'immeubles comme celui-ci à Tel Aviv. Ce qu'on voit, c'est la connexion avec la France et la Belgique. Zeev Herter a étudié en Belgique et a été influencé par Le Corbusier. Et ce qu'on voit ici, c'est une application des 5 points de l'architecture de Le Corbusier. Plan libre, façade libre, pilotis, toit à jardin, fenêtre en longueur. Ces 5 points sont appliqués ici, mais en réalité, c'est assez drôle et étrange, car quand on pense aux 5 points de Le Corbusier, on pense aux banlieues chics. Ils sont vrais pour les villas, villas de Garches ou villas Savoie, des maisons privées. Mais là, on est à l'échelle urbaine. Ce sont des immeubles sur la rue. Dans une rue, on imagine des boutiques au rez-de-chaussée qui font cette interface urbaine. Faire un immeuble sur pilotis sur une rue principale, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas un acte urbain, ça ne renforce pas la ville, ça l'affaiblit même. Mais ça... C'est Tel Aviv, exactement. Ce qu'on voit aussi ici dans les années 30, ce sont beaucoup d'innovations dans l'aménagement des appartements. Le plan libre de Le Corbusier, sans mur porteur, a aussi permis d'avoir des appartements très flexibles. Il faut se rappeler que c'est une société d'émigrants. Et quand on a des émigrants, il y a toujours quelqu'un qui débarque. Un cousin, un voisin de la ville d'origine. Quelqu'un qui ne vient que pour 3 mois, juste poser ses affaires, et parfois ça dure 3 ans. Pour une société d'émigrants, de nouveaux venus, c'était une très bonne idée d'avoir des appartements flexibles pour pouvoir aménager les appartements en fonction des besoins de la famille. C'est une architecture qui se fait au jour le jour, pour la vie quotidienne qui se réinvente ici. C'est ce qui est intéressant ici à Tel Aviv, parce qu'il n'y a pas un grand monument, c'est le tout qui est un monument, c'est l'idée qui est un monument, cette ville qui invente une nouvelle manière de vivre. 4000 bâtiments ont été construits dans ce style moderne en seulement 10 ans. Je suis Sabrina Segla, je suis architecte et je travaille au White City Center comme commissaire du programme public. Cette maison est la maison de Max Liebling, construite en 1936 par un architecte très connu, Dov Carmi. Elle est en rénovation pour accueillir le futur White City Center. C'est un immeuble d'habitation et c'est une très bonne démonstration du style international ici à Tel Aviv. La façade qu'on voit est très minimaliste, les détails sont très subtils. Ce qu'on voit, ce sont des proportions, des lignes horizontales très fortes, avec ces balcons en bandeaux. Ces balcons en bandeaux, c'est une évolution des fenêtres en bandeaux de Le Corbusier. Et une adaptation à notre climat, car faire des grandes fenêtres n'avait pas beaucoup de sens ici. C'est une des caractéristiques du style international. Et puis il y a l'asymétrie et pas d'ornementation. Comment vous expliquez qu'il y a eu un tel engouement justement pendant ces années 30, pendant ces 10 ans, pour cette architecture moderne ? Les premières colonies qui se sont installées en Israël ont cherché un langage qui serait leur langage local, car en Europe ou partout dans le monde, les Juifs étaient, disons, assimilés. Ils n'avaient pas d'identité formelle très claire. Il y avait des traditions, mais pas de forme. C'était l'occasion d'inventer une forme ici. Les premiers arrivants avaient d'abord construit dans un style éclectique. C'est intéressant, ici regardez, juste à côté de la maison de Max Liebling, il y a une maison dans ce style éclectique. C'est un petit palais avec des ornementations qui rappellent un peu l'Europe, mais aussi le style local, le style mauresque ou arabe. Ils cherchaient tous un style, mais en 1929, M. Schiffman, qui était chargé du développement de la ville, décida que c'était terminé, que ça ne collait pas. Il y avait toutes ces idées modernes qui arrivaient d'Europe avec la nouvelle vague des migrants, et il a décidé que le style international serait le style de Tel Aviv. Il n'a plus donné un seul permis de construire pour ce style éclectique. Et c'est comme ça que Tel Aviv a eu ce nouveau visage, ce visage moderne. Mettons-nous là, à cet angle. Regardez, ce n'est pas très différent de certains immeubles que vous avez à Paris, de cet architecte Malet Stevens, dans ce style, le style paquebot. Bon, ici, c'est un hybride de beaucoup de choses. L'appeler Bauhaus, c'est un peu bizarre. Le nom Bauhaus, qui est souvent utilisé pour décrire l'architecture de Tel Aviv dans les années 30, c'est complètement bizarre, car il y a très peu de Bauhaus à Tel Aviv, de vrais Bauhaus. Il y a très peu de personnes, peut-être trois, qui ont étudié au Bauhaus et ont émigré ici. En plus, ces trois architectes du Bauhaus venaient plutôt du second Bauhaus. Au moins deux d'entre eux, Arié Sharon et Mestechkin, ont étudié avec Hannes Meyer. Et c'était le Bauhaus le plus à gauche, le Bauhaus marxiste. C'est très différent de ce qu'on voit ici. Alors du coup, il ne s'agit pas tellement de Bauhaus, mais plutôt de modernisme. Et même de modernisme au pluriel, parce que ce qu'on voit à Tel Aviv, c'est un pastiche de plein d'influences. L'architecte moderne le plus célèbre qui est venu ici, c'est Eric Mendelssohn. Et quand il est venu à Tel Aviv pour voir cette belle ville moderne, il a été très choqué. Il parle de ces immeubles comme des immeubles bâtards. Ce n'est pas de l'architecture pour lui, ce sont des pastiches de seconde classe qui agrègent des styles différents, dont le sien. Ce qu'on voit ici, ce sont toutes sortes de tentatives pour exprimer l'apparence de modernité, certaines idées de l'architecture moderne. Mais ce ne sont certainement pas des chefs-d'œuvre raffinés et stylisés du modernisme. Nitza Smuk a appelé ça le Bauhaus vernaculaire, le Bauhaus populaire. Et si vous voulez mon avis, c'est ça qui est intéressant à Tel Aviv. Mira Gross, vous êtes un des fondateurs du Bauhaus Center. à Tel Aviv. Alors, ce qui est amusant avec ce centre du Bauhaus, c'est qu'au moment où vous l'avez ouvert, personne ne s'intéressait vraiment à cette histoire de Tel Aviv, à l'histoire architecturale de la ville blanche. Qu'est-ce que les gens disaient à l'époque que vous avez ouvert ? C'était rigolo parce qu'on a mis sur notre boutique le nom, le centre Bauhaus. Et les gens regardaient, ils ont essayé de lire le mot. Et en hébreu, c'est assez difficile si on ne connaît pas. Et ils regardaient, ils entraient dans la boutique, ils ont dit « Vous vivez de ça ?» Et les gens ont eu l'impression que nous sommes vraiment un peu des fous. Maintenant, c'est devenu, entre-temps, c'est quand même 20 ans, une institution qu'on connaît ici. Et maintenant, vous voyez ici, par exemple, le bâtiment vis-à-vis, il nous ressemble un peu à un bateau. Et ça se trouve aussi, beaucoup de fois ici, à Tel Aviv, des maisons qui ressemblent à des bateaux. On se demande comment ça se fait. Le bateau, c'était une sorte de symbole pour l'internationalisme, pour la communication internationale, mais aussi pour l'équilibre, n'est-ce pas? Et c'est une machine à habiter, de nouveau. La machine, c'était quelque chose de positif, alors peut-être pour ça, il aimait habiter dans une sorte de grande machine. Vous voyez, par exemple, cette barre en fer en bas, au jardin, vous voyez ça? Et ça se répète au balcon et même sur le toit. Le toit plat. Alors c'est un élément qui se répète, qui donne au bâtiment un rythme. It's not repeatable. It seems repeatable. Ce n'est pas répétitif. Ça a l'air répétitif, mais ça ne l'est pas. Chaque immeuble possède un petit détail à lui. Il y a des détails communs, comme les fenêtres, les portes, mais les escaliers, le travail du métal, etc., ne sont pas du tout identiques. Et c'est tellement riche. Il y a une myriade de solutions. Chaque immeuble entretient une sorte de conversation avec les autres immeubles. Et c'est comme un fil d'Ariane dans la ville. Chaque côté de la rue parle à l'autre et ça symbolise la coopération entre les gens qui était évidente à cette époque. Si vous lisez la littérature et les poèmes de cette époque, les gens décrivent Tel Aviv comme un endroit très optimiste et plus encore un endroit où les gens se sentaient très libres. C'est encore le cas aujourd'hui. On se sent protégé et libre de faire ce que l'on veut. Cette idée est en lien avec l'optimisme de cette nouvelle ère et la liberté qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient laissé un vieux monde pour en construire un nouveau. Et ils se sentaient très forts pour faire ce qu'ils pensaient être bien de faire. Nous, ma femme et mon ami, on avait l'impression qu'il y a d'importance de réfléchir aussi ce mouvement parce que c'est en effet la base de la vie laïque d'aujourd'hui. Le Bauhaus est un mouvement pas religieux. Et normalement, ici, dans le pays, depuis à peu près 20 ans, c'est le mouvement religieux qui a beaucoup de sources. Et aussi dans les écoles, on parle du peuple juif ici il y a 2000 ans, mais du peuple qui est arrivé il y a 80 ans et qui n'était pas religieux, on ne parle pas. Et à notre avis, ce sont les pères de notre société d'aujourd'hui, au moins de la société que nous aimerions ici. Quand j'ai commencé mes recherches, il y avait peut-être 10 personnes à Tel Aviv qui comprenaient ce que je faisais. Des artistes, des historiens d'art, le sculpteur Danny Caravan, On me disait qu'il faut détruire ces immeubles, ils n'ont aucune valeur, ils tombent en ruine. Personne ne s'en était occupé pendant 50, 60 ans. À cette époque, chez les propriétaires de ces immeubles, des vieilles familles qui étaient venues de Pologne et d'Allemagne, qui avaient acheté des parcelles et fait construire ces immeubles, la phrase que j'entendais le plus, c'était « Je suis coupable parce que mes parents ont embauché un bon architecte dans les années 30. » That was the common sentence. Why you punish me? Pourquoi vous me punissez? Parce que mes parents ou moi-même avons embauché un bon architecte dans les années 30. You don't hear it anymore. On n'entend plus du tout ça aujourd'hui. Changes of ideas and how to approach. Le changement d'état d'esprit vis-à-vis de cet héritage a changé en 20 ans. Because we did the On a fait une grande conférence en 1994, la conférence Bauhaus, c'est son nom, et des milliers de personnes sont venues, même de l'étranger et de l'UNESCO. L'histoire d'origine de ce terme ici à Tel Aviv était le fait qu'aux années 80, qu'on a commencé, Jérémy Hoffman, les gens ont commencé à apprécier cette architecture. C'était un changement qui a pris beaucoup de temps. Les gens considéraient, même ceux qui ont admiré ou beaucoup aimé Tel Aviv, ont considéré cette architecture comme moche, comme simple. Il y avait beaucoup de poètes, grands poètes, qui ont écrit des textes sur la simplicité de Tel Aviv, sur le fait qu'elle est presque, elle avait dans le temps une forme de ruine un petit peu. Alors, cette nouvelle découverte de cette architecture était basée sur les histoires d'une certaine légende, même que tous les ingénieurs ou les architectes venaient de l'école Bauhaus. Et le terme de Bauhaus, le fait qu'il y avait une certaine école presque magique dans un sens, ou peut-être mythique, les gens ont beaucoup apprécié ce terme, ils l'ont gardé. C'est Bauhaus, c'est Bauhaus. Tel Aviv a approuvé un plan de conservation de l'architecture Bauhaus. Elle a soumis son plan à l'organisation UNESCO et en fait a reçu le certificat, le diplôme d'UNESCO que voilà, Tel Aviv, c'est une ville blanche, la capitale du Bauhaus mondial. Sharon Rothbard. Et donc c'est une histoire qui est aujourd'hui bien sûr connue mondialement. C'est une chose que n'importe quel touriste ou élève d'école primaire à Tel Aviv est censé de savoir, c'est que en 1919, il y avait cette école magnifique Bauhaus qui a été établie dans la République de Weimar, et que dans cette école, il y avait pas mal de gens qui voulaient faire de la vie quelque chose de plus nouveau et progressif, de dessiner, de construire un monde meilleur. Et en 1933, Hitler est monté au pouvoir, il a fermé l'école et tous les étudiants juifs ont immigré en Palestine où ils ont construit la ville blanche de Tel Aviv. Donc ça, c'est un peu la narration. Donc maintenant, il y a quand même quelques problèmes avec cette histoire-là. Le Bauhaus, d'abord, a été connu surtout par des profs. En peinture, c'était Klee ou Kandinsky. En architecture, enfin, il y avait Gropius, Mies et Breuer. Ces gens-là n'ont jamais mis les pieds en Terre Sainte. Donc, il y avait quelques élèves de Bauhaus qui ont émigré ou qui ont retourné. Mais, bon, il n'y en avait pas des milliers, ni des centaines, ni des dizaines. Il y en avait peut-être cinq. Amos Gitaï, vous êtes cinéaste. Avant d'être cinéaste, vous avez été architecte. Qui était Munio Weinraub, votre père? Munio, il est né à Galicie, à côté de Lvov. Mais après, son père a reçu un job chez un Junker. Et alors, ils sont passés à Silésie. Mais comme il avait 18 ans, et une chose assez étonnante, il avait l'idée d'aller direct au Bauhaus, dans lequel il était reçu par Gropius. Le comité d'accueil de Munio, il avait aussi Kandinsky, il avait Mies van der Rohe, il avait Feininger et des autres. Et alors Gropius, il a dit, bon, avant que tu vas être admis au Bauhaus, il faut que tu viennes charpentier. Et un an plus tard, tu reviens et nous, on va te réindoctriner. à partir de 1929-1930, il était au Bauhaus. Époque très tourmentée. Gropp aussi a quitté le Bauhaus et c'est Hannes Meyer qui est devenu le directeur. Et Hannes Meyer était envie de diriger le Bauhaus vers une vision plus sociale d'architecture. Alors on peut dire que Mugnon, qui était réindoctriné par cette école, Hannes Meyer, mais aussi il a travaillé chez Mies van der Rohe. Il avait à la fois l'aspect esthétique de Mies van der Rohe, de ce minimalisme impressionnant, et aussi de l'engagement social de l'architecture. Bon, pour faire l'histoire courte, alors après Mugnon est arrêté, tout de suite en 1933, et Hitler est élu en janvier 1933, en avril c'est le droit racial, et Mugnon, des semaines plus tard, il est déjà en prison et il est accusé par les cours nazis de trahison contre le peuple allemand. Cet garçon de 24 ans, considéré comme l'ennemi du Troisième Reich. Heureusement, il est sauvé par l'avocat, il est jeté sur les frontières suisses. Mugnon hésite parce que la grande partie des élèves de Bauhaus part avec Gropius, Mies van der Rohe, Molinage et les autres aux États-Unis. Mais Mugnon décide d'aller en Israël parce qu'il est très fasciné par l'idée des kibbutz, des inventions sociales. Et il va devenir architecte alors en Israël, dans lequel il trouve des copains qui étaient avec lui dans le Bauhaus. Et Ariel Sharon, pas le premier ministre, mais un architecte. Et Shmuel Mistechkin, qui va devenir aussi mon oncle. Alors, le blague d'époque, c'est que ma mère et sa sœur contrôlaient deux tiers de Bauhaus. Il y avait Shmuel Mistechkin qui a fait quelques projets à Tel Aviv, mais à l'époque, il construisait surtout dans le kibbutzim, comme à Mugnon. Il y avait Shlomo Bernstein qui a construit qu'un seul bâtiment à Tel Aviv et la plupart de sa carrière, il a passé à la mairie. Et il y avait Ariel Sharon qui a effectivement a construit quelques bâtiments à Tel Aviv, surtout les célèbres habitations de travailleurs, pas d'ouvriers, mais parce que c'était des habitations pour des hauts gradés de tout l'apparat socialiste de l'époque. Mais disons que son architecture qui, je dirais, n'est pas très élégante normalement et qui est très directe et simple, n'avait pas grand-chose à voir avec la stylisation de Bauhaus telle qu'on l'a vendue et promue dans cette campagne de Bauhaus, avec tous ces bâtiments, avec des angles arrondis et ce style moderne un peu décoratif qu'on peut trouver à Tel Aviv. Mugnon est mort en 1970, c'est-à-dire il a 48 ans. Il a fait des salles à manger, des kibbutzim, aussi de grands projets comme un premier projet de Yad Vashem, aussi de l'université hébraïque à Jérusalem, et quelques buildings à Tel Aviv, beaucoup à Haïfa. Mais la chose qui est très intéressante, c'est-à-dire si on dit à Mugnon, maintenant il faut dessiner un stand pour les vélo d'un petit plage dans le nord de Banlieue de Haïfa. Il a trouvé que c'est un projet très intéressant, qu'il faut voir comment on fait les objets métalliques pour qu'ils tiennent bien le vélo, etc. C'est-à-dire qu'il a vraiment été complètement convaincu de la mission sociale d'architecture. Là, si on regarde le centenaire du Bauhaus, on va célébrer aussi cette ville comme étant la ville du Bauhaus. Est-ce que vous diriez qu'elle est Bauhaus, Tel Aviv? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voulez diffuser cette information breaking news, mais à Tel Aviv, il y a très peu de Bauhaus. C'est-à-dire, Tel Aviv, ils ont été très malins d'appeler ça la ville blanche, etc. Mais effectivement, il y a le projet le plus important de Bauhaus, même, c'est le projet par Sharon, de Workers' Residence, qui est très très beau d'ailleurs. Et c'est le seul vrai projet Bauhaus. Tout le reste, c'est des petits objet bourgeois plutôt, et que maintenant tout le monde appelle Bauhaus parce que ça montre les valeurs immobilières. Ariel Sharon lui-même, à l'époque déjà, dans les années, je pense, 80, dans une interview, il s'est vraiment énervé de cette campagne. D'abord, il a peut-être pensé ou senti que c'est une appropriation de, quelque chose qui n'a rien à voir avec Tel Aviv, mais il disait qu'en fait Tel Aviv est beaucoup plus influencé par la France, par l'architecture de Le Corbusier, toute cette idée de construire sur des pilotis qui a été très repris après. Et qu'en fait, que même dans Bauhaus, dans l'école, cette notion de style était complètement contraire à la pédagogie qu'on a développée au Bauhaus. Aussi, à l'époque, je pensais qu'il y a quand même dans toute cette campagne un subtexte qui est une espèce de chantage émotionnel, surtout vis-à-vis des Allemands. Le Bauhaus était le victime des nazis, nous aussi, donc voilà, il y a une espèce de collage de ces deux histoires. Et si vous n'aviez pas voulu le Bauhaus dans votre Allemagne nazie, le revoici ici à Tel Aviv, sur fond de la belle mer Méditerranée. Et cette histoire, en fait, a été reprise aussi par les Allemands. C'est-à-dire que maintenant, les Allemands ont des très bonnes raisons de passer des vacances en été en Israël. Il y a des délégations, des expositions, enfin, ça vole dans tous les sens. Et même aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le centre de la Ville Blanche. C'est une espèce d'ambassade de toutes les institutions Bauhaus à Tel Aviv, le Max Liebling House. C'est l'Allemagne qui finance en partie cette rénovation. L'Allemagne ne finance pas la rénovation. C'est la ville qui finance. Mais l'Allemagne finance certains contenus. Sabrina Segla. L'Allemagne a compris qu'une grande partie de ton héritage est ici. Que ce soit les architectes qui sont venus ici et qui avaient étudié en Allemagne avant, ou les matériaux allemands qui ont été apportés en Israël. On possède un héritage partagé qui est représenté ici, dans l'environnement construit. C'est pour ça que nous avons engagé cette collaboration et que l'Allemagne est très intéressée par ce projet. Regardez, l'immeuble a été construit selon des standards très élevés. Quand on regarde les proportions, c'est très généreux. La cage d'escalier, les portes sont larges. L'appartement du fond est celui de Max et Tony Liebling. Il y a 4 pièces. Il y a beaucoup de très beaux détails, comme cette douche arrondie. Dove Carmi est vraiment connu pour son sens du détail. C'est pour ça qu'il y a tous ces beaux détails dans cet immeuble. Là, on a tout protégé pour les travaux. Mais vous voyez ce carrelage sur le mur. Il vient d'Allemagne. Une fois, un carreau est tombé et on a vu Villeroy et Bosch au dos. C'est une firme allemande. Et on s'est rendu compte que beaucoup de matériaux venaient d'Allemagne. Il y a eu un accord de transfert entre 1933 et 1937. Et les Juifs allemands ont pu sortir une partie de leurs biens d'Allemagne de cette façon. Ça n'a pas duré longtemps, mais les nazis ont autorisé certains juifs à partir en Palestine à condition d'acheter des biens en Allemagne, principalement des matériaux de construction. Donc beaucoup des matériaux de ce style viennent d'Allemagne. Il y a un lien très étroit. Ce modèle de cuisine reprend un modèle développé en Allemagne dans les années 20. On l'appelle la cuisine Frankfurt. Elle a été inventée par Margaret Schutte-Liotzky pour le logement de masse. C'est le moment où se développait pour la première fois le logement de masse après la Première Guerre mondiale. Elle a inventé cette petite cuisine super efficace qui devait rendre le travail de la femme super rapide. Elle avait pris toutes les mesures du corps de la femme pour que tout soit à portée de main, compact, et qu'elle ne passe pas trop de temps à la cuisine. La grande critique qu'on peut faire, évidemment, c'est qu'il n'y a de la place que pour une personne dans cette cuisine. Et bien sûr, c'est la femme. Il y avait vraiment 3 architectes majeurs à l'époque. Dove Carmi, qui avait étudié avec Henri Van de Velde à Gand, en Belgique. Arié Sharon, qui avait étudié avec Hannes Meyer au Bauhaus. Ezeev Rerter, qui avait étudié avec Le Corbusier. On les appelle les animaux parce que leurs prénoms sont des noms d'animaux. Ezeev Rerter, c'est le loup. Arié Sharon, le lion. Et Dov Karmi, l'ours. Ils travaillaient beaucoup à ces idées modernistes. Ils se retrouvaient tous les soirs au sein du club qu'ils avaient fondé, le Hug, pour discuter de tout ça et comment créer un environnement idéal. Modern architecture. Zvi Efrat. L'architecture moderne est devenue la langue de tous les secteurs de la société juive de Palestine dans les années 30 et 40. In Palestine in the 30s and 40s. And when I say all the sectors, I mean first. Et quand je dis tous les secteurs, je veux dire d'abord en ville, mais aussi en dehors des villes. Why it would represent. En ville, on peut comprendre ce que ça représente, mais dans les villages, c'est assez étrange. Et en ville, dans tous les secteurs aussi, pour les habitations de travailleurs, donc l'architecture de gauche, des syndicats, est moderniste, vraiment Bauhaus. Mais aussi des immeubles bourgeois, c'est-à-dire l'essentiel de ce qu'on voit ici, qui n'a rien à voir avec cette idée socialiste de gauche. C'est juste de l'architecture bourgeoise ou petite bourgeoise. Même dans le secteur religieux, c'est la même architecture. Donc l'architecture publique, privée, les usines, les villas, tout est construit avec le même langage. C'est étrange parce que dans le mouvement sioniste, il y a des idéologies très différentes, en conflit. Alors pourquoi utilisent-ils tous ce même grand et beau manteau blanc? Un des grands mythes de Tel Aviv qui est très promu par ses admirateurs, mais aussi par ses ennemis, c'est cette idée de la bulle de Tel Aviv comme une bulle qui est séparée du reste du pays. Parfois, ça peut être, ça s'intitule l'État Tel Aviv, donc c'est une république imaginaire, très cosmopolite. C'est là où on fait la vie, on s'amuse et on n'a absolument rien à voir avec tous ces fous de Dieu qui circulent dans ce pays par-ci et par-là, qui s'entretuent à Jérusalem ou dans les territoires occupés. Donc cette idée un peu escapiste d'une Tel Aviv qui fait partie d'un système global des villes mondes, des villes mondiales. C'est quelque chose qui est très présent. On a, de temps en temps, on a des rappels que ceci n'est pas forcément vrai. Il y a des attentats, par exemple, mais aussi par des campagnes qui ont été lancées par la droite, par exemple, en disant que Yesha, les territoires occupés, c'est ici. Mais je pense qu'en principe, à Tel Aviv, c'est un endroit où justement, on peut tester et retester toutes ces idées de séparation ou unification. Je pense que beaucoup de ce qu'on raconte de cette histoire d'architecture de Tel Aviv, de cette histoire qui est purement architecturale, c'est quand même un moyen de ne pas penser à autre chose qui se passait, même aux mêmes années 30. Et là, je change un peu de registre, mais par exemple, si on regarde une bibliothèque, l'étagère des livres sur Tel Aviv, je dirais qu'à peu près 80% des livres traiteront d'une manière ou d'autre son architecture moderne des années 30. Même admettant qu'elle est toujours géniale, elle a été faite entre les années 1930-31 et 1938 à peu près. Donc ça couvre 7 années d'histoire de Tel Aviv. Mais d'abord, ça ne raconte pas les choses qui se passaient un peu à travers, à quelques mètres, je sais pas, à Jaffa. Cette histoire, ne raconte pas ce qui a précédé et ce qui s'est passé après. cette histoire du Bauhaus, mais aussi ça ne raconte pas même les choses qui se passaient au même moment dans les années 30, des années où on a commencé à développer de nouvelles techniques de colonisation. Par exemple, Roma Amigda, le mur et tour développé en 36, qui a permis au Yishuv, à l'entité parapolitique, paramilitaire juif, de fonder quelques 60, quelques nouveaux kibbutz et villages un peu partout dans le pays. Si vous voyagez dans les kibbutzim, il y a beaucoup plus de vrais Bauhaus, les trois architectes ils ont été très actifs, et aussi dans le nord et aussi quelque part dans le sud. Mais de toute façon, en sens général, on peut dire qu'Israël, c'était un cas très exceptionnel vis-à-vis des Bauhaus, parce qu'il y avait beaucoup à construire. L'Europe a construit très peu de Bauhaus, et comme souvent l'homme politique adore mêler dans l'histoire de l'architecture, on regarde Mitterrand avec l'Arche, avec tous ces projets monumentaux et des autres. Et en Israël, l'homme politique était occupé par des projets plus importants, c'est-à-dire de créer la légitimité d'État, de chercher des armes, etc. Et l'architecte, ils ont utilisé cette fenêtre de manque d'intervention politique. Ils ont fait, on peut dire, presque un coup d'État architectural. Ils ont décidé des centaines d'objets architecturaux pour à la fois des pouvoirs politiques étaient trop provincial, qu'ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était le Bauhaus, et pour une clientèle qui arrivait, des petits shtetls, des petites villes aussi, pas des grandes cultures européennes, qui ne sont même pas été au courant non plus. C'est-à-dire, ni les clients, ni les pouvoirs politiques, ils ont eu quelque chose à dire, et cet groupe d'architectes, très doués, ils ont saisi cette occasion de faire de l'architecture moderniste, dans laquelle je crois qu'il y a un bon paquet de projets très intéressants. Je crois que malheureusement, certains ils sont dans un mauvais état parce qu'on passe beaucoup d'énergie de restaurer un petit pierre d'époque de Salomon et pas le vrai héritage contemporain d'Israël, mais il y a des choses à faire. L'architecture moderne, quoi que ça signifie, est devenue synonyme du projet sioniste en général. Mais plus encore, c'est devenu le style juif. Ça a été une manière, bien sûr, de tourner le dos à l'architecture locale, qu'ils avaient trouvé ici, l'architecture arabe, comme à Jaffa, par exemple. Mais c'est aussi prendre le contre-pied des stigmatisations nazies, antisémites, qui considéraient l'architecture moderne comme juive ou arabe. Cette attaque contre l'art dégénéré, l'art ou l'architecture moderne, c'était de dire que cette architecture moderne venait de cette région, du Moyen-Orient. Le symbole, c'était ces toits-terrasses qu'on voit ici. Tous ces toits-terrasses. Les nazis les appelaient les maisons sans toit, Dachlos House, les maisons qui n'ont pas de toit. C'est ce qu'on voit ici, à Tel Aviv. On est de retour dans des maisons sans toit, ce qui était pour les nazis les maisons des nomades, des juifs. Tout ça nous parle de la construction d'une image de soi, sioniste et juive. Il y a eu un boom de construction énorme ici dans les années 30. Et tout sous ce parapluie moderniste, avec ce paradigme du modernisme un peu lâche, vague, mais extrêmement flexible et beau. Ce que vous voyez ici, ce sont des tas d'interprétations de ce qu'une architecture moderniste, Bauhaus, peut être. Merci à Jennifer Abessira, Zvi Efrat, Dani Caravan, Nitsa Schmuck, Jérémy Hoffman, Mira Gross, Sabrina Segla, et Sharon Rothbard. Merci également à Shimon Mercer-Wood, Inès Weitzmann et Julien Donada. Voix Renaud Bertin et Julie Navarre. Coordination Perrine Kervran. Attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier. Mixage Alain Joubert. Le Bauhaus à 100 ans,